garçon, mais non, non. Manon, amoureuse, mais je ne suis pas celui-là, non, non, non. Manon est heureuse, elle est amoureuse, mais non, non. Elle jette sa prose et s'esquive déjà. Manon, amoureuse, mais pas du bon gars. Celui-là, non, non, non. Manon est heureuse, elle est amoureuse, non, non, non. Et tu rentres, tu t'as tout dit, les détentes sautent.